Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, dans une chaise longue, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, voyage transclasse, histoire de ceux qui ont quitté leur milieu d'origine. Une série documentaire de Leïla Djitli, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a la honte et la fierté, et la honte de la honte. Il y a le désir de revanche et le sentiment d'imposture. Il y a des conflits de loyauté, des accents à gommer. Et puis il y a ceux qui, une fois les obstacles franchis, ont tout raconté comme un pied de nez. Alors pour commencer, les personnages. Didier Héribon et Annie Ernaux, un fils d'ouvrier et de femme de ménage, un documentariste de retour, deux philosophes transclasses, un producteur qui raconte, une rebelle et des enfants qui se sentent différents de leurs parents. Ensuite, le décor. Des pavillons où il n'y a rien à voler, une ville qui donne envie de renier ses origines, des mobilettes et des coupures de courant, une gare, un escalator et l'école comme un refuge. Aujourd'hui, quatrième épisode, on tend l'oreille. Ici, la honte est comme une seconde peau. Tout le monde porte la honte de quelque chose. La honte. Mais elle ne se dit pas. Quand les transclasses sortent du bois et prennent la parole. Un jour, je vois mon grand-père sur sa mobylette passer dans la rue, m'apercevoir et s'arrêter. Mon grand-père exerçait comme métier laveur de carreaux. Il se promenait dans Paris avec l'échelle de bois, les seaux et des serpillères avec lesquels il nettoyait les vitres. Et il me dit « Didier, comme ça ». Moi, j'étais terrorisé, tétanisé à l'idée qu'on puisse me voir en train de parler avec lui, parce que tout ce qu'il était, comme ça, avec ses instruments de travail, représentait pour moi quelque chose avec quoi je ne pouvais pas être associé. Et là, je me souviens de tout le poids de la honte sociale qui pesait sur mes épaules. Et donc, j'ai trouvé une excuse. Excuse-moi, il faut que je te laisse, je suis très pressé et tout ça. Et après, cette scène m'a hanté pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, comme un des actes, un des gestes de ma vie dont j'ai le plus honte aujourd'hui, qui est d'avoir eu honte de mon grand-père. Et je me dis, mais si je le croisais dans la rue aujourd'hui, peut-être je serais moins stupide qu'à l'époque, mais je pense que j'aurais quand même un sentiment comme ça, un peu de gêne. J'ai honte de ma famille. Il suffirait de dire, je vois tout ça balader, et je suis libre, et je suis le fils d'un ouvrier, d'une femme de ménage. Mon grand-père lavait les carreaux pour se libérer de cette violence du monde social. C'était comme si j'étais coupée. Ma mère lisait beaucoup, mais elle n'avait pas reçu d'enseignement littéraire. C'est ça qu'on peut se dire enfant. Pourquoi, au fond, mes parents ne connaissent pas autant de choses que moi? C'est-à-dire que dès l'âge de 12 ans, j'avais conscience que je connaissais bien plus de choses que mes parents, que je savais mieux m'exprimer, que ma mère ne pouvait pas écrire sans faire de faute d'orthographe, puisque c'était un français matiné de patois, c'était un français incorrect, un français écorché. On nous disait qu'il n'était pas bon, qu'il y avait une tare dessus, que ce n'était pas celui-là qu'il fallait employer. Et donc, pour prendre la phrase de Jean Genet, j'ai conquis la langue de l'ennemi. Comme Annie Ernaux et Didier Héribon, ils sont fils ou petits-fils d'ouvriers, de paysans ou de petits commerçants, devenus philosophes, cinéastes ou intellectuels. Et ils prennent la parole. Annie Ernaux et Didier Héribon ont ouvert la voie pour parler de cette difficulté à trouver sa place lorsqu'on vient d'un milieu modeste, en créant un genre, entre autobiographie et sociologie. La philosophe Chantal Jacquet, elle, invente un terme, celui de transclasse, et encourage un groupe d'intellectuels à réfléchir sur leur histoire sociale. Sur les pas de ses aînés, le cinéaste Régis Sauder, dans son documentaire Retour à Forbach, revient lui aussi sur une partie occultée de sa vie, ses origines populaires et la honte sociale qui en découle. Le pavillon de mes parents a été cambriolé à l'automne 2015. Tout a été renversé, mais rien n'a été volé. Même les voleurs ne veulent pas de ces faux bijoux, de ces pièces d'anciens francs, du service à raclette ou des chemisiers camailleux de ma mère. Moi aussi, adolescent, je n'en voulais plus de ce décor-là. Des meubles Conforama, des imitations tapis d'Orient, de la moquette au mur, des fausses dorures. J'avais honte de mon milieu. Je voulais ressembler à ceux que j'avais rejoints dans le haut de la ville. Les fils d'ingénieurs, de médecins, de pharmaciens avec qui je partageais mon lycée. J'ai quitté Forbach il y a plus de 30 ans. Mais Forbach ne m'a jamais quitté. Et je reviens avec le souvenir de ces sentiments qu'on ne dit pas. Régis Sauder, dans votre documentaire « Retour à Forbach », dès les premières images, vous nous embarquez dans le pavillon de vos parents et surtout dans votre histoire familiale. J'ai beaucoup cherché l'entrée du film et je crois que cette idée de commencer le film par ces plans effectivement de la maison chamboulée suite à ce cambriolage qui a eu lieu alors que le tournage avait déjà commencé depuis presque un an. Pour moi, c'était une façon de vraiment de rentrer par effraction dans l'intimité. C'est-à-dire, le spectateur, il sait absolument où il est. Il est question de l'intimité. On est effectivement dans cet héritage comme ça qui est déballé, et on sent que cette question de l'intimité, elle va irriguer le film. Qu'est-ce que ça représente, Forbach ? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui vous hante comme ça, cette ville ? Enfin, longtemps, j'ai pas parlé de cet endroit d'où je venais, de ce parcours social. Quand on fait des films, on appartient à une classe sociale d'une certaine façon. Moi, je fais du cinéma pauvre, du cinéma de la précarité, et en même temps un cinéma important parce qu'effectivement, il vient de là, il vient de Forbach. Mais longtemps, je n'ai pas dit que je venais de Forbach et que mon parcours, c'était un parcours qui était à côté des usages des cinéastes qui ont fait pour la plupart une école de cinéma ou. Voilà, moi j'ai un parcours comme ça, sinueux, qui m'amène à cette prise de parole. Et effectivement, l'accompagnement de ces livres, de retour à Reims, de ces livres d'Annie Ernaux, qui m'ont permis à un moment aussi de me dire, moi je peux le faire, enfin, moi j'ai trouvé une place dans ces récits. On n'oublie pas d'où on vient, quoi. Genre, si on vient de Forbach, on s'en souviendra toute notre vie, quoi. Mais je veux dire, ouais, on veut tous partir autre part. Beaucoup de gens renient leurs origines, mais... Là, franchement, il y a de quoi, parce que franchement, Forbach, en fait, c'est une ville vraiment pauvre. Mais on a le droit d'avoir honte aussi. Bah oui. Subhatra Dhanasagaran, vous êtes professeur de philosophie, et la honte sociale... Chez vous, c'est exprimé à travers le refus de parler la langue de vos parents. Très tôt, en primaire, ouais, à peu près, vers l'âge de 8-9 ans, je refusais de parler le tamoul à la maison. Je ressentais une honte à parler le tamoul à la maison, que j'associais à une langue basse, parce que c'est pas une langue qui allait m'apporter quelque chose à l'extérieur. Le tamoul, c'était pas une langue qu'on apprenait. Certains ne savaient même pas d'où ça venait, que ça existait, ou la situer sur une carte. Donc pour moi, c'était une sorte de langue à cacher, quelque chose que je connaissais mais que je gardais très secret. Non, je suis française, je parle français. Il m'arrivait même dans la rue de faire semblant de pas comprendre les gens qui me demandaient des choses en tamoul, de dire non, je suis mauricienne. Donc il y avait vraiment une honte autour de cette langue-là que je ne voulais pas parler parce qu'elle représentait quelque chose d'inutile pour moi ou en tout cas qui me rappelait à mes origines. Et quand on est immigré, c'est très compliqué parce que je dis quand on est immigré comme si moi j'étais immigrée. En fait, moi je suis née ici et je suis française et je me considère comme ça. Mais ça nous hante, c'est-à-dire que mes parents sont immigrés, je ne peux pas en faire abstraction. Quand je rentre à la maison, ce n'est pas un univers totalement français. Bien sûr, à la télé, ça parle français, mais les livres qu'il y a, il y a écrit en tamoul, mes parents communiquent en tamoul, on mange plutôt indien à la maison, donc je peux pas en faire abstraction et dire que je suis une vraie française, que j'ai que du français en moi. Donc, langue, c'était vraiment ce qui permettait de poser la limite entre les deux. Et il y a eu un moment dans ma vie où, effectivement, le français a pris plus d'importance parce que ça me garantissait de m'en sortir. Alors que j'avais de la famille qui, eux, ne me parlait que tamoul à la maison et qui s'en sortait un peu moins bien à l'école. Alors pour moi, c'était lié. Ça, c'était des réflexions que je me faisais très petite, hein, en primaire, au collège. Ne pas maîtriser le français, tout de suite, ça me renvoyait au fait que je n'étais pas d'ici, alors que ce n'est pas ce que je voulais qu'on voit. Ce qui, en fait, aujourd'hui, me paraît absurde parce que bon, quand on me voit, on devine, enfin, ou en tout cas, on sous-entend, on préjuge que je suis pas, que je suis pas française. Mais voilà, il fallait que ce soit encore moins visible. Et cette honte, en fait, que j'avais par rapport au tamoul, elle est double. C'est-à-dire que j'avais honte de la parler devant les Français, devant les locuteurs du français, parce que c'était une manière de m'isoler à l'extérieur. Si dehors, ma mère me parlait en tamoul, ça me gênait de lui répondre en tamoul, parce que ça veut dire que les autres ne pouvaient pas comprendre. Et donc, tout de suite, ça crée une sorte de langue un peu secrète, où on a envie de se dire des choses, et les gens ne doivent pas comprendre. Donc, on se met dans un rapport d'exclusion, alors qu'on est dans un espace public. Ça me gênait terriblement. Et est-ce que le terme de transclasse convient bien pour définir votre parcours ? Oui. Passer de l'autre côté et en même temps d'être entre deux. Après, le transclasse, oui, parce que mes parents ont vécu dans des conditions très, très précaires, très modestes, on va dire. Mais ça va encore plus loin. C'est pour ça que mon histoire à l'immigration fait que j'ai l'impression d'être d'une transclasse au carré. C'est-à-dire que ça commence à l'époque de mes parents qui, enfin, mon père a 9 frères et sœurs, ma mère en a 5, qui sont tous les deux les aînés. Mon père a perdu sa mère très très jeune. Il a dû venir en France pour nourrir en fait ses frères et sœurs. Ma mère l'a suivi pas par choix, mais ça a été un déracinement déchirant pour elle. Et là-bas, ils vivaient dans des conditions très très précaires. Ma mère, elle vivait à 7 dans, je sais pas, 10 mètres carrés. On l'a vu quand on est allé en Inde. Voilà, c'était des conditions comme ça. Donc quand ils sont arrivés ici, déjà en soi, c'était une amélioration. Donc eux aussi, c'est des formes de transclasse. Donc moi, mon histoire, elle commence d'avant moi, en fait. Elle commence de là. Et puis du coup, on est dans cette dynamique de vouloir s'améliorer encore au sein du pays dans lequel on est né. Et ça, c'est ce que m'ont aussi beaucoup inculqué mes parents. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était en France, c'est pour ça que c'était très difficile, hein, c'est qu'à la fois, ils voulaient nous garder dans cette culture indienne par peur de perdre leurs origines, sans doute par peur de nous perdre tout simplement en tant qu'enfants. Et en même temps, ils étaient très fiers qu'on réussisse à l'école. Donc oui, transclasse, parce qu'à partir de ces conditions très précaires, on vivait dans une cité HLM pas loin de Bondy. Et je sais, quand on était petite, on avait un centre social dans lequel on allait très souvent. Nous, on se rendait pas du tout compte qu'on vivait dans une cité qui était dangereuse. Mais l'assistante sociale qui s'occupait de nous, je l'ai revue 20 ans après. Et elle m'expliquait, mais tu sais, Subhatra, quand même, dans ta cité, des fois, on retrouvait des haches plantées dans les immeubles parce qu'il y avait des règlements de compte. Je me rappelle que souvent, moi, je croyais que c'était des pétards qu'on entendait la nuit, mais c'était des coups de feu. Des trucs comme ça que j'ai réalisé très, très tard, au-delà de 20 ans, de me dire... quand même, c'est vrai que je m'en suis sortie. Donc oui, transclasse de manière très simple, de la condition de départ de mes parents, à avoir l'agrégation de philosophie pour ma part. Mes parents étaient fiers que je sois enseignante. Je transmets le savoir, c'est quand même incroyable pour des gens qui, eux, n'ont pas pu aller à l'école. Chantal Jacquet, vous êtes philosophe, vous êtes née et avez grandi dans un village pauvre de haute montagne, en Savoie. Et du coup, vous avez beaucoup réfléchi sur des histoires de transfuges de classe, mais vous avez vous-même forgé un nouveau concept, celui de transclasse, qui vous semble plus approprié au monde d'aujourd'hui. Alors c'est un sujet qui m'a travaillé pendant très longtemps, de par mon propre parcours, probablement, initialement. C'est un sujet d'abord qui rentre dans le cadre de la mobilité sociale, et je ne trouvais pas tellement satisfaisante la manière dont la mobilité sociale était pensée, parce que on imagine une société avec un ordre, et puis ensuite des particules qui pourraient éventuellement circuler de façon individuelle, avec le mythe du self-made man. Donc je trouvais que, évidemment, ça n'était pas satisfaisant, et c'est la raison pour laquelle... tout en constatant qu'il y a une reproduction sociale, j'ai voulu me pencher sur les écarts, les exceptions, les anomalies Et c'est comme ça que j'en suis venue à forger ce concept de transclasse pour désigner ceux qui passent d'une classe à l'autre. Certes, sur le plan économique, ça peut être quelque chose de valorisant, mais ça peut être aussi une manière de fuir sa classe sociale, une manière de se renier, une manière de vouloir se sauver seul et sans rien changer au système. Donc c'est pas si clair qu'on puisse parler d'ascension ou de déclassement. Et j'ai essayé de construire une sorte de modèle explicatif, parce que généralement on a des explications simplistes, on va dire c'est l'ambition, ou bien on va dire c'est seulement le système d'aide économique, de bourse, mais ça n'est pas suffisant pour comprendre ces parcours, parce que si on dans la même famille, on peut donner des aides, et on a des enfants qui ne vont pas avoir les mêmes parcours. Donc il faut comprendre les différences fines et embrasser les jeux d'affect, la place dans la famille, les désirs des parents, toutes les projections. Donc j'ai voulu penser un modèle qui permette de restituer les raisons pour lesquelles il y a ce genre de parcours, et non pas les présenter comme miraculeux, comme le fait qu'on ait une bonne étoile, un destin, ou qu'on soit forgé à la force du poignet, parce que c'est une production du social qui est à la croisée de l'histoire familiale, de l'histoire sociale et de l'histoire politique. Je crois qu'il n'a pas vraiment eu conscience, tu vois, que j'étais devenue directrice de cette école. Ça me peine parce que je me dis que pour lui, ça aurait été tellement fort, tu vois, de savoir ça. Économiquement, ça a été très, très, très, très difficile. On n'a pas mangé tous les jours à notre faim, comme beaucoup de familles au Kobenberg. Voilà. On nous a souvent coupé l'électricité, et alors ça c'était un drame pour moi, parce que tu sais, quand je rentrais du collège ou du lycée et que j'apercevais pas de lumière chez moi, je me disais bon bah ça y est, on nous a encore coupé l'électricité, et du coup ben comment est-ce que je vais faire mes devoirs, quoi. J'avais l'impression d'être la plus nulle de tous, et ça m'a poursuivi longtemps. Quand on est pauvre, on se sent nul. En tout cas, nous, on a toujours eu honte, tu vois. Et moi, je l'ai senti terriblement, cette... je sais pas, toi, tu appelles ça cette domination. Moi, c'était plutôt le regard des autres. Je m'étais sentie écrasée par cette misère sociale. Que de tout petit, déjà, tu dois te justifier, tu vois. Que t'es pas comme tout le monde, que toi t'es pauvre, en fait, c'est ça. C'est d'assumer cette pauvreté-là. C'est difficile, tu sais, Régis, parce que, j'ai l'impression, enfin, que c'était quelque chose que je voudrais qu'on coupe. Le récit de la honte, il est très important. Enfin, pour moi, il a été... Il a été fondamental en tant que lecteur quand j'ai lu effectivement quelqu'un énoncer cette idée de la honte sociale et de ce qu'elle implique. Ce sentiment qui est le fruit de l'injustice, parce que évidemment on ne choisit pas le milieu dans lequel on est, on choisit pas la ville dans laquelle on a vécu son enfance, cette expérience à la fois des territoires et de la violence sociale, parce que Forbach c'était un lieu de violence sociale. Il y a autant de honte, encore une fois, que d'expérience de vie. Moi, c'était l'expérience d'un territoire où il y avait cette violence, où j'étais un peu entre deux milieux, parce que j'étais pas tout à fait comme Flavia dans un milieu vraiment défavorisé, puisque mon père était instituteur. Et en même temps, j'étais avec ces gens-là, donc dans un environnement qui était un environnement violent, qui du coup me désignait comme un peu à part. Et dès lors qu'on est désigné comme à part, on le vit forcément différemment. Et moi, je l'ai assez mal vécu parce que j'ai assez vite compris que je pouvais aussi m'extirper de ce milieu-là. Et en faisant ce chemin et en allant vers le haut de la ville, dès le lycée, j'ai compris que finalement, moi, je venais de là et que j'avais un grand-père mineur. Certes, j'avais un père instituteur, mais d'une certaine manière, je parachevais ce voyage entre deux classes, entre deux mondes. Et du coup, l'usage de la langue, il est très important, parce qu'à Forbach, il y avait cette dichotomie entre les Lorrains et ceux qui ne l'étaient pas, entre les gens qui étaient issus de l'immigration et les autres. Et moi, j'étais un peu entre deux, parce que j'avais un père Lorrain. Moi, je parlais pas le patois, parce que j'avais une mère pied-noir. Et du coup, j'étais un peu une sorte de bâtard. Et je crois que cette bâtardise-là, on me l'a fait payer cher. C'est aussi une bâtardise de classe, parce qu'effectivement, j'étais pas comme les autres garçons. Et en même temps, en sortant de ce milieu-là, j'ai bien compris que je n'appartenais pas pour autant au milieu de la bourgeoisie, à ce milieu des fils d'ingénieurs et des professions libérales qui constituaient la population du haut de la ville. Nous sommes ici avec vous à la gare de Saint-Cloud, Jean-Louis Saporito, donc producteur de télévision. Et vous aussi, vous avez vécu cette coupure entre le haut et le bas de la ville, pas seulement comme une frontière géographique, mais surtout comme une frontière sociale. La gare de Saint-Cloud, c'était, dans mon jeune temps, la ligne de démarcation entre le bas, où nous on habitait, où moi j'habitais avec mes copains, et le haut, où habitaient les gens, on va dire, les bourges, quoi, pour nous. Et le bas de Saint-Cloud, c'était les fils d'ouvriers, les gens modestes et tout, qui habitaient ça. Et donc, il y avait cette ligne de chemin de fer qui était une sorte de ligne de démarcation. Il y avait une sorte d'apartheid et c'était la marque entre les gens du haut et les gens du bas. Donc, moi, j'étais du gens du bas avec mes copains. Et tous nos parents étaient des employés, le plus souvent des ouvriers, des choses comme ça, qui travaillaient de l'autre côté de la Seine. Sur l'autre côté de la Seine, il y avait des grandes usines comme Renault à Lille-Seguin qui existait encore. Donc, ils vivaient bien, mais on avait des appartements minuscules, on vivait à 5 dans 2 pièces, il n'y a évidemment pas d'eau chaude, on a découvert tout ça plus tard, les toilettes, il fallait aller sur le palier ou descendre 2 étages, et alors, au-dessus, on veut dire, et les gens étaient au-dessus, alors physiquement, je ne sais pas si on peut en tirer, mais ils nous dominaient du regard, hein. Nous on était en dessous, parce que les gens allaient à l'usine de l'autre côté de la Seine et tout ça, et alors à un moment, ils ont construit un escalier mécanique en plein dans la rue, à ciel ouvert comme aux Galeries Lafayette ou au printemps dans les grands magasins. Et donc, on s'est dit tous, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, c'est les bourges, parce qu'on leur facilite la chose pour remonter chez eux. Alors on le prend ou pas? Et on va arriver dans ce qui nous semblait inaccessible. Nous, on venait ici comme une réserve, enfin je ne sais pas si c'était eux les Indiens, la réserve d'Indiens, mais on revenait ici en visite. Et regardez, aussitôt, vous voyez les arbres, c'est un endroit où en fait on pouvait venir, évidemment c'était pas interdit, mais on venait absolument jamais parce qu'on n'avait rien à y faire et puis c'était pas chez nous, on n'était pas de ce monde là et tout. Alors par exemple quand on passait devant des maisons comme ça et on se disait, mon Dieu, est-ce possible qu'une seule famille habite dans une si grande maison? Comment c'est possible? Sans doute qu'ils avaient chacun leur chambre, ils pouvaient faire la grasse matinée le dimanche, mais ce qui nous mettait en colère, c'est que c'était le dimanche, il y avait on nous demandait d'aller à la petite messe à 9h30 pour ne pas occuper trop de sièges. Et puis à 11h, la grande messe de 11h, c'était les gens du haut de Saint-Cloud qui venaient, ils y avaient droit et tout. Et là, c'était beaucoup mieux. Et là, notre quartier, avec nos gens, ils étaient envahis par les gens du haut. C'était bizarre parce que même si on s'était habillé en dimanche, on n'aurait pas été aussi beau qu'eux. Et il y avait une sorte de... est-ce qu'on peut dire ça, de différence de classe, c'était la conscience qu'on appartenait à un autre monde, qu'on n'était pas pareil, qu'on était différent. Alors, je ne l'aurais pas exprimé comme ça, et si j'ai eu conscience, parce que, évidemment, à mon âge, j'ai des enfants, des petits-enfants, et mes petits-enfants, je veux qu'ils sachent d'où ils viennent, que la vie n'a pas été toujours celle qu'ils ont maintenant. Et donc, je veux qu'ils aient conscience. Enfin, que leur raconter la vie, que machin. Donc j'ai écrit, j'ai commencé à écrire quelque chose en me disant, un jour je leur donnerai, quand ça sera fini et tout. Et ou quand je serai plus là, ils le liront. Et ben voilà, puis après ils en font ce qu'ils veulent et tout. Mais donc en faisant ce travail, j'ai exprimé des choses que probablement j'avais en moi, bien sûr. Enfin, c'est pas, j'ai pas inventé, voilà. Alors là, on est donc rue d'Orléans, on est en face le 33, mon père avait une boutique, et on était là, et mon père a travaillé ici une vingtaine d'années, puis mon frère, qui était coiffeur, a repris la place là, jusqu'à sa retraite. Maintenant, c'est un autre coiffeur que je ne connais évidemment pas. Gérard Bras, vous êtes enseignant et j'ai envie que vous nous expliquiez ce qui, dans votre trajectoire, dans votre parcours, ce qui a été le plus difficile pour passer d'une classe sociale à une autre. Il y a un sentiment que je n'ai jamais éprouvé, je crois, ou très faiblement, c'est la honte ou la culpabilité, plutôt la culpabilité de quitter le milieu social. Ça, c'est quelque chose que j'ai à peu près complètement ignoré. La culpabilité de quitter le milieu social, non, jamais, parce que, justement, c'était mon propre milieu qui m'incitait à poursuivre un parcours scolaire Bac plus et non pas à passer un CAP. Dans les années 60, les embranchements scolaires étaient plus rigides encore que maintenant. Mais, alors, plus compliqué, je n'ai jamais écrit dans une fiche de renseignement profession des parents, père, permanence, et j'aurais eu l'impression de faire une provocation qui m'aurait mis en danger, de dire quelque chose d'impossible, quoi. C'est-à-dire que, fierté d'avoir un père ouvrier et d'être au lycée. Bon, on était un ou deux par classe sur 45. En même temps, une espèce de sentiment de clandestinité, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait de l'inavouable, quoi. C'est-à-dire que, oui, surtout que j'avais pas de divergence idéologique avec mon père, donc il y avait quelque chose d'inavouable. Mais qui faisait ressort psychologique pour travailler et réussir scolairement. Oui, ça. Donc, transclasse ou pas transclasse ? Dans mon cas, c'est un tout petit peu plus compliqué, une sorte d'intermédiaire. C'est-à-dire que mon père était ouvrier métallurgiste, tourneur, ma mère couturière, fille de paysan savoyard, et donc partie à la ville. Elle n'a jamais pu s'installer à son compte, elle était couturière comme salariée. Mais avant, tout simplement, bonne. Et mon père, début des années 50, mon père est devenu permanent syndical à la Fédération de la Métallurgie CGT à Paris. Donc c'est ces ouvriers qui vont mener un travail intellectuel. Le salaire restait par principe un salaire d'ouvrier, mais l'activité sociale et le modèle, l'idéal du mois pour le gamin que j'étais, c'est évidemment un idéal du mois plutôt intellectuel. Donc c'est cette ambiguïté là, c'est-à-dire que c'est une phase intermédiaire entre ouvrier et intellectuel universitaire. Subhatra Dhanasekaran, j'essaie d'imaginer comment vous viviez le refus de parler le tamoul, la langue de vos parents, lorsque vous étiez adolescente. Quel était votre comportement au quotidien ? Concrètement, ça se traduisait par des regards un peu de mépris vis-à-vis des gens qui parlaient tamoul, par exemple, dans les transports. Un regard un peu de réprobation. Mais vous pouvez pas garder votre côté blédard pour la maison. Et puis, bien sûr, évidemment, le regard des autres. Parce que dans les transports, s'il y a quelqu'un qui parle tamoul, la personne qui parle tamoul, elle a à peu près la même couleur que moi. Donc j'avais très peur d'être assimilée à ça. Concrètement, ça se traduisait par, si dans les transports, il y a plusieurs places et qu'il y a des places à côté de gens que j'imagine d'origine tamoul, je ne vais pas aller m'asseoir à côté d'eux. Voilà, fallait pas que je sois assimilée à eux. Donc même quand ils parlaient, je faisais semblant de pas comprendre. Je regardais la fenêtre comme si ça m'intéressait pas, alors que je comprenais tout ce qu'ils disaient. Si certains me demandaient est-ce que je connaissais l'arrêt auquel il fallait qu'ils s'arrêtent ou une information dans la rue, je pouvais dire que je ne comprenais pas. Et puis continuer à avancer. Et donc le rejet du tamoul, pour moi, c'était une double manière de m'affranchir de deux choses, c'est-à-dire de mes parents et puis aussi de la culture qu'ils essayaient de me transmettre et qui collait pas en fait avec les valeurs qu'on me transmettait à l'école. Faut savoir que la partie de l'Inde de laquelle viennent mes parents est extrêmement conservatrice. Ça représentait pour moi une culture un peu de soumission de la femme. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est des familles très patriarcales. Et voilà, par exemple, ma mère vous voyait mon père et mon père la tutoyait. Je trouvais ça tout à fait injuste. Et alors, moi, si je devais parler en tamoul à mes parents, je devais les vouvoyer. Parce que c'est comme ça que ça se fait, en général. Et alors tout de suite, les vous voyez, ça posait une distance, hein, une forme de respect presque ancestral qui sonnait faux en fait à mes oreilles. Donc pour moi, c'était hors de question. Puis c'est ça aussi que percevait ma mère, de se dire qu'elle voilà, elle m'appelait la rebelle parce que je voulais pas parler le tamoul. Elle disait non, tu vas finir en française. Enfin, c'était quelque chose de très compliqué pour elle. Et ça l'est encore, je pense, aujourd'hui. Moi, je suis mariée avec quelqu'un qui n'est pas tamoul. Sa première crainte, c'était qu'elle ne pouvait pas communiquer avec lui. Ce qui est faux. Mais c'est cette crainte de perdre une culture. Parce qu'une langue, c'est toute une façon de penser, toute une culture, tout un pays, toute une géographie. Donc forcément, si je rejetais la langue, je rejetais bien plus que la langue. Mais j'avais pas envie qu'on m'assimile plus que ça à ce pays. Donc quand j'étais petite, c'était pas trop un problème de passer d'une langue à l'autre. Mais au fur et à mesure de ma scolarité, pendant la primaire, bah forcément, on ressent cette importance du français. J'avais des facilités à l'école, j'y arrivais assez bien, c'était un endroit dans lequel j'aimais être. Je dis souvent que je détestais être en vacances, c'était terrible pour moi les vacances. Donc j'accordais beaucoup d'importance à l'école. Et le français pour moi c'était une sorte d'incarnation de l'école. Et donc c'était ma manière de garder l'école en rentrant à la maison, pour continuer à parler français. Et sans doute une peur inconsciente ou viscérale d'arrêter de parler le français et du coup d'arrêter d'être bonne à l'école. Chantal Jacquet, comment est-ce qu'on sort de son milieu d'origine? Quels en sont les ressorts et quels en sont les mécanismes? Pour pouvoir imaginer un autre sort, il faut avoir des perspectives, il faut avoir d'autres modèles que ceux qui sont les modèles environnants. Si on est dans un milieu où tous les gens autour de soi sont agriculteurs, sont mineurs, pour imaginer, il faut déjà savoir qu'il existe d'autres professions, pour imaginer un autre modèle de vie, il faut des modèles alternatifs. Donc, le fait qu'il puisse y avoir une ou deux personnes qui connaissent un autre sort, ça ouvre le champ des possibles. Mais pour ce qui me concerne, je dis, ce serait plutôt à travers le désir de mes parents. C'était l'idée que, de toute façon, c'est simple, si on voulait faire des études, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on passe le concours d'entrée à l'école normale d'instituteur, parce qu'à ce moment-là, on avait les études payées, une bourse de trousseau, parce qu'il faut quand même aussi être... quand on est vraiment dans la misère, se vêtir, c'est un problème, manger, etc. Donc, sans ça, c'était impossible. Alors, quand vous décrivez tous les ressorts, vous parlez de l'ambition, du mimétisme. C'est-à-dire que le mimétisme, c'est la rencontre, c'est le professeur, c'est l'enseignant. Effectivement, parce que l'ambition, c'est ce qu'on met en avant en premier. Pour moi, l'ambition, ça n'est qu'un mot que l'on met sur l'ignorance des causes. Parce que d'abord, l'ambition, c'est toujours l'ambition de quelque chose. Et il faut d'abord avoir l'idée de ce quelque chose. C'est pour ça que si on n'a pas des modèles alternatifs, et Annie Ernaux le dit très bien, elle vivait dans un monde clos, avec ses lois, ses codes très conformistes. Donc, on n'imagine pas autre chose. On n'imagine pas en sortir. Et qui plus est, le monde extérieur apparaît comme un monde en négatif. On n'a même pas envie d'en sortir. Donc, il faut... autre chose que l'ambition, il faut des modèles et il faut également des rencontres, puisque pour qu'il y ait des modèles et que ces modèles apparaissent comme désirables, il faut qu'on puisse s'identifier, qu'on considère que la personnalité de celui qu'on rencontre présente quelque chose que l'on aura envie d'imiter, que l'on aura envie de faire sien. Et donc dans la rencontre, il y a aussi une sorte d'interpellation et là, ça ouvre une brèche dans le monde dans lequel on vit. Travailler là toutes les nuits, c'est ça? Ouais, là en ce moment je travaille toutes les nuits, ouais. Je fais 5 nuits par semaine. Tu veux savoir combien je gagne à peu près? Si c'était le salaire nu, ce serait à peu près 1400 euros, quoi. C'est sûr que si je pouvais dépasser la barre des 2000, je serais content, quoi. Alors que 2000 euros maintenant, c'est pas énorme, quoi. Mais je pense que je vais les atteindre à la fin de ma carrière, quoi. Vos amis d'enfance, de jeunesse, vous les avez retrouvés 30 ans après ou vous aviez gardé contact avec eux? Alors avec certains, j'avais gardé contact par ma sœur aussi qui a longtemps vécu à Forbach, qui était institutrice à Forbach, du coup, qui a été collègue de Flavia et de Sandrine et d'autres. Et il y a des gens que j'ai retrouvés, comme Mohamed, je l'ai retrouvé complètement par hasard pendant le tournage. Et à un moment, ça... C'était comme un dialogue qui se reprend 30 ans après. Donc moi, ce que j'essaie, c'est de rester en bonne santé, de donner une bonne éducation à mes enfants. J'essaie d'avoir le sourire, c'est pas évident. Tu essaies de sauver ce que tu arrives à sauver, quoi. C'est même pas, tu essaies de gagner quelque chose. On est en train de chacun se barricader, de sauver ce qu'on peut sauver, quoi. Je pense qu'on en est là. On en est plus à vouloir sauver ce qu'on peut sauver qu'à vouloir améliorer des choses, quoi. Chantal Jacquet, il y a une question quand même importante qui concerne les freins quand on veut passer d'une classe à une autre, quand on veut s'échapper de son milieu social, quand on veut partir. Il y a une phrase qui revient souvent pour illustrer cette idée dans votre réflexion, c'est « ce n'est pas pour nous ». Alors c'est un des obstacles à l'idée du passage de classe, c'est l'idée que le changement est inaccessible parce que on a toujours vécu ainsi, les générations qui ont précédé ont vécu dans ce monde-là et la distinction peut-être la plus forte c'est entre eux et nous, hein, l'autre monde et le monde dans lequel on vit. Donc il y a l'idée que c'est inaccessible. Quand on voit, par exemple, dans l'éducation sociale d'un enfant de classe moyenne ou de la bourgeoisie, la manière dont il se représente son parcours, il va de soi qu'il doit, par exemple, faire une école d'ingénieur, une classe préparatoire, des études médicales. C'est inscrit déjà dans son éducation. En revanche, quelqu'un qui sera issu d'un milieu plus défavorisé, oser se dire qu'il a envie d'être médecin, qu'il a envie d'être écrivain, qu'il aurait envie d'être président de la République, c'est quelque chose d'impensable. C'est-à-dire, ça apparaît comme une sorte d'utopie de songe creux ou de rêve d'enfant. Donc ça, c'est un des obstacles, parce que si on ne croit déjà pas en ses propres forces, ben, qui croira en vous? Justement, vous donnez aussi l'exemple de l'empêchement par le regard de l'autre. Oui, parce qu'il y a une forme de stigmatisation ou d'assignation à résidence, soit par la famille, hein, en disant celui qui veut faire autre chose est prétentieux, il trahit sa classe, qui veut donner des leçons, soit par la classe bourgeoise qui voit d'un mauvais œil des parvenus venir s'installer dans ses salons. Donc chacun a sa place. Donc, il est suspect. Il est suspect. C'est toujours quelque chose qui demeure dans un transclasse, parce qu'on... À la fois, il y a la fascination, puis en même temps, la méfiance, parce qu'on se dit, bah, celui-là, il allait donc, il règne le parquet, il est ambitieux, il n'est pas vraiment de notre monde. À la fois, on le regarde comme une curiosité, donc ça peut être valorisant, mais en même temps, il peut être l'intrus. Quand je suis arrivé au lycée, je me suis fait un ami. Il habitait la ville haute, dans une grande maison. J'ai vite su adopter les codes de ce milieu auquel je n'appartenais pas. À Forbach, je me suis senti à la fois rejeté et propulsé. Par ma famille, par mes amis, par les rencontres plus tard, j'ai saisi les mains qu'on m'a tendues et j'ai délaissé Forbach. Je suis parti ailleurs pour me réfugier et je sais comme il est difficile de trouver une place là où personne ne vous attend. C'est aussi cette question de la légitimité qui est toujours en jeu. Je crois qu'il y a des milieux dans lesquels on ne se pose pas cette question de la légitimité, parce que de fait, on est légitime par filiation. Moi, cette légitimité-là, elle se gagne de film en film et elle n'est jamais gagnée, en fait. En tout cas, moi, j'avais besoin de prendre la parole, encore une fois, pour ce que je suis. C'est un peu ce que dit aussi Annie Ernaux quand elle dit qu'elle écrit pour venger sa race, c'est venger sa classe. Donc il y a vraiment cette filiation-là et cette justesse, effectivement, qu'elle a du souvenir et de la mémoire et de la mise en récit de la mémoire, sans être à l'endroit ni de la sociologie, ni de la philosophie, mais vraiment cet endroit de la mémoire en récit, dans ce récit commun qu'on opère tous ensemble avec Flavia, Mohamed et les autres. Chantal Jacquet, cette phrase célèbre d'Annie Ernaux, « J'écris pour venger ma race », vous la comprenez comment ? C'est toute sa famille qui est réhabilitée d'une certaine manière, c'est-à-dire le petit milieu du café-épicerie. L'idée qu'elle ne connaisse pas le même sort que ses parents, qu'elle prenne des distances avec ce que ça suppose comme sentiment de trahison aussi, c'est une idée qui en même temps ne l'amène pas à renier ses origines et à travers son propre parcours, c'est aussi une forme de réhabilitation de sa propre famille. Tout en montrant bien que c'est pas une forme de ressentiment, c'est plutôt l'idée que on brise une fatalité. Et en même temps, Annie Ernaux est tout à fait consciente que si c'était une vengeance, ce serait une vengeance qui échoue, parce que sur le fond, pour elle, comme pour moi d'ailleurs, il s'agit pas de faire en sorte qu'une personne s'en sorte et que les autres la contemplent en disant ben elle nous a sauvés. Ce qui compte, c'est qu'on change les conditions sociales pour tous. Et je trouve qu'il y a une manière d'écrire une grande sobriété qui peut paraître parfois presque trop sèche. Et on le lui a reproché, ce qu'elle a pu appeler l'écriture blanche ou l'écriture plate, parce que il s'agit pas d'écrire dans la langue de l'ennemi, au sens, même si on écrit toujours dans la langue de l'ennemi, la langue de la bourgeoisie, en faisant des belles phrases ou en créant un peuple d'opérettes, mais d'essayer de restituer cette parole dans ce qu'elle a de plus authentique. Et vous, Gérard Bras, cette phrase d'Annie Ernaux, vous vous l'appropriez aussi ? Alors, je n'aurais jamais dit, je n'aurais jamais écrit pour venger ma race ou pour venger ma classe, non. Je le vis un peu différemment. Je le vis comme installé dans un écart, sans que les deux bords de l'écart puissent se toucher. C'est l'expérience d'un écartement, parfois douloureux, et qu'on essaye de rendre fécond. Écart entre ce qu'on est, ce qu'on aurait pu être, écart entre ce qu'on est et le modèle que la société expose. Je me rappelle la première fois que je suis rentré dans la librairie Vrin, qui est quand même la Mecque des philosophes, une librairie de philosophie, place de la Sorbonne, où il règne une ambiance très feutrée. Mais je me rappelle, comme jeune étudiant, la première fois que je suis rentré dans la librairie Brun, je me demandais si tout le monde ne me regardait pas, parce que c'est comme le péquenaud qui arrive avec ses gros sabots dans un lieu et qui va crotter les moquettes. Bon, j'ai beaucoup pensé à Rousseau qui arrive avec ses culottes mal fagotées dans un salon parisien. Et cet écart que Rousseau expose entre ce qu'il est et le milieu dans lequel il se trouve plongé et l'impossibilité de combler l'écart. C'est plutôt un peu comme ça que je le ressens. Du coup, si on comprend qu'il est impossible de combler l'écart, alors on va faire de l'écart le principe de son activité. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à le recouvrir, à le masquer, ce qui relèverait de la figure du transclasse honteux, de la figure du transclasse qui ne veut pas s'avouer. Michelet appelle ça le bâtard, de ce fils de paysan qui met des gants jaunes pour cacher ses grosses mains. C'est cette manière de masquer, de recouvrir l'écart. Alors que j'ai fait en sorte que cet écart devienne productif. Comprendre que c'est la faille qui est productrice, que c'est dans la faille que on arrive à construire une identité singulière, que c'est ça qui permet d'avancer, qui permet en même temps d'avoir le souci des autres et de s'ouvrir aux autres, d'être attentif, attentionné et attentif. Subhadra, quand vous parlez de votre parcours, vous en parlez comme d'un miracle individuel. Oui, c'est-à-dire que, au vu de ce qui s'est passé dans ma famille, mes parents avaient des conditions de vie modestes, mais on avait aussi, sans rentrer dans des détails, mais j'ai grandi dans des contextes de violence conjugale, d'addiction, qui ont perdu mon père. Et quand j'y repense avec le recul, je me demande comment j'ai fait. Surtout en tant que prof maintenant, je suis confrontée à des gamins qui ont des contextes familiaux extrêmement difficiles. Et sur 10 gamins qui ont des profils comme ça, il y en a un ou deux qui arrivent à faire avec. Donc de se rendre compte du bout de chemin qu'on fait, on se dit, bah, y a des choses complètement inexplicables. Parce que je ne suis pas la seule. Dans ma famille, j'ai ma sœur qui est diplômée d'HEC et de l'ESCP, qui est passée par une prépa. J'ai mon autre sœur qui est un STID, qui est arrivée sixième au classement national à son concours. C'est bizarre. Enfin, il y a une grosse part de responsabilité quand même de mon père qui était frustré, en fait, de ne pas avoir pu faire des études. C'est quelqu'un qui était passionné de littérature tamoule, féru de poésie, et il nous disait souvent qu'il aurait aimé faire des études de lettres. Donc, je pense que ça doit être un des facteurs d'explication. Ils nous ont jamais empêché l'accès à la culture. Ils ont jamais vu ça comme trop dangereux, en tout cas. Et paradoxalement, mes parents ne se sont jamais impliqués dans notre scolarité. Donc, moi, j'étais dans un collège très moyen, un lycée, sans plus. Et dans la cité, on n'avait pas trop le droit de sortir, quand même, parce que c'était pas des enfants avec lesquels ma mère voulait nous voir. Moi, jusqu'à 20 ans, comme j'ai fait toutes mes études chez mes parents, jusqu'à 20 ans, même 22 ans, je sortais pas le soir. C'était très, très compliqué pour moi. Par exemple, quand je faisais mes études à Paris, d'aller à des soirées, d'aller à des fêtes, parce que fallait que je rentre dormir à la maison. La nuit des musées, moi, j'ai découvert ça l'année dernière, parce que j'ai quitté le domicile familial et que j'étais libre de mes mouvements. Donc, je pouvais pas dormir ailleurs que chez moi. Et en même temps, c'était impossible pour moi de rentrer à 22 heures passées. C'était pas possible, parce que ça donne tout de suite une certaine image vis-à-vis de ceux qui traînent dans la cité la nuit, en tant que fille, donc on a très peur. J'ai eu ce souci-là à affronter. Et finalement, l'environnement banlieue ne vous a pas tellement marqué, ni dans vos études, ni dans votre langage? Je pense qu'il y est, mais que je le mets pas beaucoup en avant. Par exemple, dans le choix de ma prépa, j'ai choisi une prépa du 93. Il y avait quand même cette peur de me confronter à des gens qui n'étaient pas de mon milieu social. Et après, j'en parlais beaucoup avec mon professeur de Cagne qui devenait complètement fou en nous entendant dire « Mais nous, on veut pas aller à l'ENS. » Et quand il nous demandait pourquoi, on lui disait « Mais non, mais à Ulm, les gens sont bizarres. Ils sont tous des parents médecins, avocats, eux-mêmes profs d'université. On n'a pas les mêmes références. Si nous, on arrive en leur parlant de rap, de R&B, de skyrock, on va passer un peu pour des ploucs, quoi. » Il y avait quand même cette peur d'être jugé, de se dire on n'a pas les mêmes références culturelles. Même encore quand j'étais prof, quoi, quand j'étais stagiaire à Roubaix, au pot de départ d'un collègue, ils ont commencé à chanter l'International. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais honte. Et je ne savais même pas à quoi... Enfin, j'ai retenu des paroles pour aller les chercher sur Internet après. Donc voilà, j'ai eu l'impression toute ma vie d'avoir rattrapé la culture comme ça. C'est-à-dire que ça m'arrivait souvent dans les conversations, je l'avoue sans honte, des fois de rire à des trucs que je comprenais pas. Et puis après d'aller chercher chez moi ce que c'était pour avoir la référence. Ou de discuter avec des gens qui me parlaient de films d'auteurs, aux noms imprononçables, où je n'ai pas vu, et puis les entendre parler, ça ne me donnait pas du tout envie de voir non plus, quoi. Donc il y avait aussi quand même cette revendication de ma culture à moi, de dire, voilà, comment ça, vous ne connaissez pas IAM, quand même, c'est un groupe phare, la honte, d'essayer de retourner le truc aussi, de valoriser ma culture. Donc j'avais un peu ce complexe-là de venir des cités, et en même temps de pas trop vouloir rattraper ce monde-là, juste le minimum, histoire d'avoir les bons codes sociaux. Mais la banlieue, je le porte quand même. J'étais très fière d'être parmi les 7 premiers à l'agrégation et de me dire que j'étais la seule à venir d'un milieu défavorisé. Et c'est un choix pour moi d'enseigner dans le 93, parce que j'ai envie que d'autres gamins bénéficient de profs qui ont envie d'aider les élèves comme moi. J'ai eu ces profs-là. On a besoin de profs enthousiastes et moi, je le suis à propos de ces gamins-là parce que je sais que je l'ai vécu et je sais que c'est possible. En tant qu'enseignant, nous sommes dans une position sociale où nous voyons des élèves qui sont dans une situation sociale qui a pu être la nôtre quand nous étions jeunes adolescents et qui sont en situation de devenir enseignant ou de devenir ingénieur et qui peuvent en être empêchés ou qui peuvent y parvenir. Et c'est vrai que ça a, dans ma carrière d'enseignant, toujours été une sorte de boussole d'aider un certain nombre de mes élèves dès lors qu'ils avaient ce désir. Je ne le conçois pas vraiment en termes de dette, mais c'est une manière de pratiquer le métier qui consiste à comprendre qu'on peut, sans le vouloir quelquefois, diffuser du mépris, avoir une hauteur qui assomme un élève et qui va opérer chez lui un blocage. Et c'est contre ça que j'ai toujours essayé de pratiquer mon métier, faire en sorte que les élèves qui ont un héritage culturel qui n'est pas en phase avec celui de l'école puissent comprendre les codes et puissent s'approprier les éléments de savoir qu'ils désirent posséder. Et ça, c'est le rôle de l'enseignant, de permettre de franchir des portes invisibles, des vitres qui viennent, sur lesquelles ils viennent buter et dont ils n'ont pas conscience. Par exemple, depuis 8 ans maintenant, je préside une université populaire, et je pense que à Gennevilliers, je fais beaucoup de visites dans les musées, au Louvre, pour expliquer la peinture. Eh bien, je vais essayer de vous montrer qu'il y a du plaisir là et que ça vaut le coup d'aller y voir. Comment vous pourriez expliquer que vous n'avez pas reproduit, que vous avez fait un voyage, que vous êtes déplacé ? Je ne sais pas, il y a quelque chose de la complexité, comme dans le film. C'est à la fois le fruit du hasard et le fruit de la honte, le fruit d'un combat qu'on a à un moment la force d'affronter parce qu'il y a des gens qui vous y aident. Et en ça, je crois que ce que je dis dans le film, je le perçois. J'ai été à la fois expulsé et propulsé, et on continue. Et voilà, j'ai aussi été dans une famille aimante, ce qui permet à un moment d'affronter cette honte. Il n'y a pas eu, comme dans le parcours de Didier Héribon, par exemple, une fracture avec le milieu familial. On est plutôt dans une forme de continuité. Chez Annie Ernaux, il y a effectivement cette idée qu'à un moment, elle a été le fruit d'une famille qui a permis de changer de milieu. Et je crois que moi, c'est un peu ce parcours-là. Voilà, c'est être propulsé et expulsé. Tu trahis pas ton milieu d'origine, Régis. Regarde ta démarche d'aujourd'hui. Tu reviens là, t'as envie d'en parler, t'as envie de dire les choses. Tu reviens et t'as envie de faire quelque chose, de dire quelque chose pour que... tu vois, Régis. Donc t'es pas parti complètement. Shed some tears of love now, like a tears of in the rain. When son of the dead are waking up, there's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long now. Merci à Chantal Jacquet, à Subhatra Dana Segaran, merci à Martine Sonnet, Régis Soder, Jean-Louis Saporito et Gérard Bras. Prise de son Yves Le Horse, Jean-André Giannacchini et Michel Gachic. Merci à Aude Vassan pour les Archivina et à Anne-Lise Signoret pour la documentation. Quand les transclasses sortent du bois et prennent la parole, un documentaire de Leïla Jitli, réalisé par Vincent Dex. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast avant de tout plaquer, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. Demain, dernier épisode, un monde ouvrier en héritage. Tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique.